Dance 2006, Max Calpel de frais, c'est pour les sœurs et les refrains. C'est pour vous que je viens prier, Jésus-Christ et la Vierge Marie. Tous ensemble nous devons crier, Shalom, Shalom, pour que la paix soit dans le cœur de l'homme. Chacun est unique, mais nous avons tous le besoin d'être aimés, respectés, écoutés. Ne sois pas sourd à la parole qui est bien utilisée et puissante, peut-être parfois blessante. Je sais que ton cœur ne demande qu'à s'ouvrir, tes lèvres qu'à sourire, mais le mal t'empêche de vivre et te pousse à mourir. Te pousse à mourir, te pousse à mourir, te pousse à mourir.